Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire La colombe de la paix de Picasso. Son caractère bien trempé et son expérience personnelle le poussaient à rejeter toutes les formes de répression, politique ou artistique. Un événement va le pousser à prendre personnellement position, la guerre civile espagnole qui éclate en juillet 1936. Voici Guernica, un tableau peint par Picasso en 1937, devenu aujourd'hui le symbole incontesté de l'engagement artistique et de la dénonciation de la barbarie. C'est avec sa toile Guernica, bien avant sa célèbre colombe, que Picasso pose son premier geste d'engagement pour la paix en tant qu'artiste. Et ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard, lors du premier congrès mondial des partisans de la paix à Paris, en 1949, que l'on va faire de sa colombe, justement, un symbole de paix. Picasso va d'ailleurs reprendre lui-même, plus tard encore, le symbole de la colombe dans un dessin très stylisé qui lui deviendra vraiment très, très célèbre et incarnera à jamais cette idée de paix. Détail amusant, dans Guernica déjà, on trouvait une colombe. L'URSS a la bombe. La nouvelle est maintenant officielle et M. André Labarthe, observateur français à Bikini, en tire les premières déductions. Le monde a été surpris par la rapidité avec laquelle l'URSS a réalisé la bombe. Désormais, le rythme avec lequel la Russie produira des bombes atomiques dépend uniquement de l'ampleur des moyens industriels qu'elle entend y consacrer. Hiroshima, Nagasaki, puissent ces noms rappeler au gouvernement leur terrible responsabilité au moment où le problème nucléaire, échappant au contrôle d'une seule nation, atteint véritablement à l'échelle mondiale. C'est en 1949 que le monde apprend que l'URSS dispose à son tour de la bombe atomique. Le climat est alors à l'inquiétude, comme en témoigne cet extrait des actualités françaises du 29 septembre 1949. C'est également en 1949 que la fameuse colombe de Picasso va devenir, dans ce contexte de guerre froide et de menaces nucléaires, un symbole de paix. Pour nous raconter l'histoire de la colombe de la paix de Picasso, je reçois Carl Bouchard, collaborateur régulier à l'émission, professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. C'est donc en 1949, à ce premier congrès, que la colombe de Picasso apparaît comme symbole de paix. On va y revenir dans un instant, mais un petit mot quand même sur ce qu'on vient d'entendre, le contexte plus large. L'URSS qui, à son tour, a la bombe atomique. Parlez-nous de ce contexte-là, ça c'est en 1949, ce contexte d'après-guerre. Où en est, à ce moment-là, après la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement pacifiste, Carl Bouchard? Ouais. Le mouvement pacifiste, il doit se reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, faire une autocritique par rapport à la mobilisation de l'entre-deux-guerres, parce que visiblement, la mobilisation pour la paix n'a pas porté fruit. On a cette Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il faut changer son discours. Et un des leviers qu'on va utiliser après la Deuxième Guerre mondiale, c'est précisément la menace de la bombe atomique à partir de 1945 sur le Japon. Cette peur-là devient le nouveau moteur du pacifisme. C'est le nouveau moteur de la mobilisation. C'est une façon à la fois de conserver un discours qui va parler cette fois-ci de la terreur et de cette peur de l'autodestruction. C'est pas simplement de ne plus faire la guerre, c'est la peur de la destruction de l'humanité. C'est nouveau, effectivement. Ça date de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est fascinant avec le recul, c'est qu'on voit très, très bien que même du côté du mouvement pacifiste, on se retrouve dans la dynamique que va imposer la guerre froide. Ouais. Il y aura des pacifistes qui vont se retrouver des deux côtés des deux grandes idéologies défendues par les deux grands blocs à l'Est et à l'Ouest. Oui, mais c'est ça le grand dilemme, en fait, de l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est que si, effectivement, on a un nouveau discours qui est celui de la peur nucléaire qui permet de mobiliser de nouveau les populations, on est pris dans ce conflit idéologique Est-Ouest. Et à l'Est, on se prétend être les moteurs de la paix, alors qu'on présente le bloc de l'Ouest comme le bloc impérialiste, militariste. Et du côté occidental, eh bien, on se dit aussi amateurs de la paix, mais non plus de la paix, cette fois-ci de la liberté. Alors donc, il y aura un clivage entre l'Est et l'Ouest. D'un côté, le monde occidental qui va utiliser le mot liberté, et de l'autre côté, le bloc oriental qui va parler de paix. Parce que le bloc oriental, le bloc soviétique, communiste, s'accapare tellement ce vocable, le mot de paix, que ça devient presque suspect à l'Ouest d'être un défenseur de la paix. Exactement. On est un sale communiste, finalement. Exactement. Si on est communiste, on est soit... Si on est pacifiste, pardon, on est soit communiste ou soit instrumentalisé ou utilisé par Moscou. Fascinant. Donc, c'est une façon aussi pour les autorités politiques à l'Ouest de discréditer un mouvement de paix, surtout lorsqu'ils proposent des modifications politiques, des modifications sociales qui remettent en cause l'ordre établi. 20 avril 1949, s'est ouvert à Paris le premier congrès mondial des partisans de la paix. Cette manifestation a groupé de nombreux délégués venus de tous les pays du monde pour prévenir et suspendre, si possible, la terrible menace qui pèse sur l'humanité tout entière. Les congressistes se sont réunis salle Pleyel, en plein centre de ce Paris qui, selon ses meilleures traditions, permet à toutes les bonnes volontés de se manifester. Dans le grand hall du rez-de-chaussée, arrivent peu à peu les 2000 délégués, hommes et femmes, qui représentent plus de 70 nations, 600 millions d'êtres humains. Extrait du documentaire « Premier congrès des partisans de la paix, l'oiseau blanc », réalisé en 1949. Oui, ça fait sourire, par Louis Daquin. Le clin d'œil est déjà beau, puisqu'on va parler de cette colombe qui va émerger, la colombe de Picasso, comme symbole de la paix au congrès de 49. Un mot d'abord sur ce congrès-là. Dans quel contexte s'ouvre ce premier congrès pour la paix? Bon, c'est un congrès qui s'ouvre, comme on l'a vu dans l'extrait à Paris, le 20 avril, donc 20 avril 49. On est à quelques semaines là, de la découverte de la bombe atomique soviétique. Et la tension est déjà assez palpable. On est déjà dans un contexte de guerre froide. Et ce congrès qui s'ouvre à Paris, il est à peu près noyauté par les communistes. Donc, on n'a pas beaucoup de... On n'a pas à se faire de doute là-dessus. À ce point tel que Paris a refusé, en fait, d'accueillir des centaines et des centaines de délégués des pays communistes qui vont, en fait, tenir un congrès parallèle à Prague au même moment. Et l'objectif, en fait, c'est d'essayer de parler de paix, mais aussi, dans une certaine mesure, de faire avancer la cause communiste. Par contre, ce ne sont pas que des communistes qui sont présents dans le congrès. On va avoir des représentants des différents partis politiques, des églises, alors catholiques, protestantes, orthodoxes. Il y aura des anciens combattants de la Deuxième et de la Première Guerre mondiale, des gens qu'on appelle à l'époque les déportés dans les camps de concentration également, beaucoup d'associations étudiantes. Donc, c'est quand même un congrès qui recueille une base militante plus vaste que simplement ceux du Parti communiste. Et c'est sciemment qu'on fait... On leur fait une place à tout ce monde-là, même aux religieux, par exemple, parce qu'on veut se donner de la légitimité, c'est un peu exactement ça l'idée. C'est ce qu'on entend même dans l'extrait quand on a parlé de Paris qui accueille les bonnes volontés. Ouais. Alors, cette expression-là est assez fascinante. On la retrouve souvent dans les discours communistes qui essaient d'appeler, en fait, à des forces plus vastes. C'est une référence religieuse, en fait, aux hommes de bonne volonté tirés de l'Évangile. C'est une façon aussi de dire, tout le monde... Peu importe son allégeance politique, peu importe son orientation politique, peut avoir la cause de la paix à cœur. Ouais. Alors, comment Picasso, notre bon ami Pablo Picasso, et sa colombe, sa fameuse colombe, qui, à partir de 49, va devenir un fort symbole de paix, la colombe de Picasso, comment il se retrouve, Picasso et sa colombe, à ce congrès de 49? Pourquoi à 49? Eh bien, Laurent Casanova, qui est le directeur, en fait, de la branche française des partisans de la paix, cherche un symbole, justement, pour ce congrès. Et puis, c'est par l'entremise de l'écrivain Aragon, en fait, qu'on va voir arriver cette colombe. Aragon est un bon ami de Picasso et il voit dans son atelier un jour une colombe peinte par Picasso. Et c'est la proposition qu'il lui fait. Est-ce qu'on pourrait prendre cette colombe et puis en faire le symbole du congrès? C'est ce qu'on va voir dans la première affiche, en fait, de ce congrès des partisans de la paix de 49. Cette colombe de Picasso, assez précise, assez utilisée. Là, c'est presque en fait une étude sur sur les colombes ou sur les pigeons qu'on a dans cette représentation. Et donc, on a ce Picasso qui va à la fois par conviction, parce qu'il a embrassé aussi, dans une certaine mesure, le pacifisme à travers son communisme. Et il sera invité aussi au congrès de la paix. C'est un des invités d'honneur du congrès. Et c'est à ce moment-là qu'on va présenter sa colombe. Il est membre, en fait, du Parti communiste français depuis... Depuis 44, en 44. Fait. C'est un compagnon de route, disons, dans l'entre-deux-guerres. Et puis, en 44, il décide de prendre sa carte du parti. Ouais. Et donc, de militer, devenir militant communiste. Donc, c'est Aragon, qui est son ami, qui a vu cette lithographie dans son atelier. Ouais. C'est cette filiation, vous le Didier. Ce congrès-là est complètement noyauté par les communistes. Il fait partie de cette famille Picasso, donc il se retrouve au congrès avec sa colombe. Et puis aussi, il faut bien le dire, on revient au tout début de l'émission, Picasso a eu ce geste d'éclat, ce coup de génie qui a marqué le monde avec cette toile Guernica quelques années plus tôt. Pour chaque visiteur, c'est la même sensation. La fresque de Pablo Picasso impose sa force. Une plongée dans la douleur, les crises et la peur. Guernica est l'un des tableaux les plus célèbres du monde, mais aussi l'un des plus terribles. Le tableau est né de l'effroi de la guerre d'Espagne. Le 27 avril 1937, les Allemands, alliés de Franco, bombardent un petit village basque du nom de Guernica. Alors qu'il est à Paris, Picasso apprend le drame. 4 jours plus tard, le 1er mai, il se met au travail dans son atelier. Il lui faudra à peine 35 jours pour achever son Guernica. C'est sa réponse au massacre des innocents. Si cette toile en noir et blanc traduit si fortement la tragédie, c'est qu'elle est un chef-d'œuvre d'équilibre. Au centre, le cheval et le peuple espagnol massacrés. À gauche, le taureau représente la barbarie. Ces 4 femmes, au corps déformé, ce sont les victimes. Et au sol, le soldat allongé, c'est la défaite. En haut d'un triangle parfait demeure la faible lumière de l'espoir. Cette bougie et ce soleil blafard éclairent à peine une colombe de la paix, effrayée. Extrait d'une capsule consacrée à Guernica, diffusée aux 20h de France 2 en 2015, à l'occasion d'une grande exposition Picasso au Grand Palais de Paris. Ça nous permet, Guernica, de revenir un peu sur Picasso, sur le lien qu'il a ou pas, dans quelle mesure cet homme-là est engagé pour la paix, dans quelle mesure il est associé au mouvement pacifiste, parce que Guernica... C'est un grand coup d'éclat. C'est une toile qui a marqué les esprits. Oui. C'est une prise d'opposition, Karl Bouchard. Mais en même temps, c'est un geste isolé dans le parcours de Picasso. Au fond, la question qu'on doit se poser, pourquoi on va chercher Picasso en 49? Picasso est-il vraiment un artiste engagé? Oui. En fait, c'est pas dans ce contexte-là, on ne peut pas l'appeler artiste engagé. Ce geste-là de 1937, c'est un geste aussi posé par un peintre proche déjà du Parti communiste. Il faut quand même se rappeler que la guerre civile espagnole, c'est aussi un conflit idéologique entre des républicains soutenus à gauche par des mouvements communistes, des mouvements anarchistes, et puis d'un côté... un parti nationaliste d'extrême droite. Donc, il y a là une rivalité idéologique qui commence déjà, qui présage ce qui va se passer dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et puis, Picasso, de son côté, donc, il a cette ferveur-là, mais qui est une ferveur liée à son engagement plus de partenaire du communisme. Ouais. Donc, s'il a fait Guernica en 1937, elle est devenue extrêmement populaire. C'est parce que Picasso est déjà un artiste mondialement reconnu. Ouais. Donc, ce geste-là a beaucoup plus d'importance que s'il avait peint cette toile au tout début du 20e siècle. Donc, il a déjà une aura, ça lui donne encore plus de force. Et effectivement, pour quiconque a déjà vu cette toile, elle est effectivement très, très marquante, très impressionnante. Et c'est un cri du cœur, mais ça reste un geste isolé. Et Picasso n'est pas reconnu pour son engagement politique. Absolument pas. Donc, à l'exception, justement, de cette trajectoire vers le communisme, mais par la suite, c'est quand même avant tout un artiste, avant d'être un artiste engagé pour une cause. Et en fait, c'est sa trajectoire vers le communisme. On y revient à ce congrès de Paris, et c'est plus par là, en fait. Il n'est pas non plus, vous me corrigerez, mais c'est pas quelqu'un qui est près du mouvement pacifiste. Mais c'est par cette filière communiste qu'il se retrouve au congrès de 49. Voilà. Un bel exemple, c'est au moment de la mort de Staline, par exemple. C'est aussi lui qui va dessiner un buste de Staline dans l'Humanité au moment de la mort du dirigeant soviétique. Donc, il se sent davantage proche de ce mouvement-là que du mouvement pacifiste. Mais ça montre aussi l'adéquation qui se fait entre à la fois cette idéologie et puis cette éthique qui est celle de la paix. Ouais. Alors revenons à cette fameuse colombe de 49, Aragon qui va chez Picasso, qui dit « cette litho qui traîne dans ton atelier, est-ce que tu voudrais pas nous faire une affiche avec ça? » Pourquoi? Pourquoi on choisit une colombe? Ah oui, bien ça c'est un beau symbole en fait, parce que c'est l'iconographie de la paix. Pendant longtemps, on s'est demandé comment on peut faire pour représenter cet idéal de paix. Dans l'entre-deux-guerres, on va par exemple chercher à produire un drapeau pour la Société des Nations, il va y avoir des concours internationaux pour le faire. Et c'est fascinant de voir l'effort que vont prendre les citoyens qui répondent à ce concours en faisant des tableaux et des dessins de drapeaux. Ben, comment on fait pour représenter cet idéal? Et traditionnellement, dans la culture chrétienne occidentale, eh bien, il y a trois symboles particulièrement importants. C'est le rameau d'olivier, la colombe et l'arc-en-ciel. Et ces trois symboles sont un héritage, en fait, du récit biblique de l'Arche de Noé. À la fin du déluge, Noé envoie une colombe qui revient sur le bateau avec un rameau d'olivier qui symbolise donc que les eaux se sont retirées et qu'on peut connaître la Renaissance. Donc, à partir de ce moment-là, la colombe est devenue un symbole de Renaissance, de renouveau. Elle est associée aussi dans l'iconographie à l'archange Gabriel, des annonciations, par exemple, à Marie. Alors, on a là toute une symbolique qui est déjà présente. L'arc-en-ciel, lui, va être utilisé en permanence durant des décennies pour montrer justement l'union de toutes les couleurs qui vont, en se mêlant, former le blanc, encore la couleur de la pureté et la couleur de la paix. Donc, on a différents symboles comme ceux-là. Et puis, ben, la colombe va évidemment cheminer chez Picasso, qui lui est influencé forcément par la culture chrétienne, ouais, par l'iconographie chrétienne. Et ça montre aussi ce bel assemblage entre justement une parole communiste, un engagement communiste et un symbole chrétien pour parler de la paix. Picasso, Colombe, Laurier, Figuernica, la mort aux cornes, pour que dans un monde sans bornes, la nuit ne vienne plus jamais, la nuit ne vienne plus jamais. Jean Ferrat et sa chanson Picasso Colombe, il va, vous l'avez un peu évoqué, mais c'est un symbole fort, la colombe comme symbole de paix avec les racines que vous nous décriviez il y a un instant, Carl Bouchard. Picasso va lui-même vouloir le pousser plus loin encore, ce symbole-là, et puis il reprendra donc la colombe. Il va faire un dessin beaucoup plus simple, très stylisé, qui va vraiment devenir très, très célèbre, faire le tour de la planète et incarner aujourd'hui encore la paix. Oui, en fait, c'est ce qui est un peu amusant aussi avec cette colombe, c'est que celle de l'affiche est très précise, très détaillée. Et celle qui va arriver par la suite est celle qu'on connaît aujourd'hui. Elle est donc postérieure et elle est effectivement très simple, tout à fait dans l'esprit de Picasso. Ouais. On se souvient de Picasso qui faisait, par exemple, des dessins d'un seul trait. Eh bien là, la colombe, c'est presque ça. C'est cinq traits extrêmement simples, sur fond blanc, avec le petit rameau d'olivier à peine esquissé, la signature de Picasso, et c'est devenu le symbole universel. C'est très fort, c'est très moderne. Exactement. Tout le monde a peut-être en image déjà cette colombe. Elle est facile à refaire, elle est facile à voir, donc elle est très, très efficace. Ouais. Et puis, cette adjonction, encore une fois, entre une parole de paix instrumentalisée par le communisme et puis ce visage chrétien, ben, ça fait que les hommes de bonne volonté, les hommes et les femmes de bonne volonté se sentent appelés par cette colombe. Ouais. Le Vatican va l'utiliser également, donc ça devient un symbole universel. Alors que sa colombe de 49, elle était beaucoup plus réaliste. Ouais. Petite parenthèse, ou enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est cocasse si ça l'est. En fait, cette fameuse colombe qui servira à l'affiche du Congrès en 49, ce serait plutôt un pigeon. C'est Bouchard. C'est tout à fait possible. Il faut dire qu'il n'y a rien qui sépare le pigeon de la colombe que la taille. Ouais. Donc, effectivement, c'est la même famille. Alors, c'est tout à fait possible qu'il ait utilisé comme modèle un pigeon. Ouais. Et après ce congrès de 49, la fameuse colombe pigeon de Picasso va être reprise. On revient un peu sur le contexte qu'on décrivait au début de l'émission. On est en pleine guerre froide. Même au sein du mouvement pacifiste, on est dans cette dynamique où deux blocs s'affrontent, ceux qui sont les pacifistes capitalistes à l'ouest, les pacifistes communistes à l'est. Et dans ce contexte-là, ça, c'est assez fabuleux, racontez-nous cette histoire-là, mais la belle et colombe de Picasso, ce que ça représente, va être complètement perverti plus tard, de manière assez... assez forte. Assez forte. En fait, ça montre aussi à quel point il y a une réaction, en fait. L'utilisation de la colombe, c'est aussi un geste politique en ce sens-là, et il y a une réaction politique, c'est-à-dire que des associations vont... se mettent à critiquer, en fait, cette utilisation, notamment une association française qui est fondée en 1951, qui s'appelle Pays Liberté. Alors, encore une fois, ces deux mots qui sont associés. C'est une, ouais. c'est une association férocement anticommuniste et qui va, dès 1951, faire une affiche qui est devenue assez populaire. Elle représente, en fait, une colombe, mais qui, en fait, masque un char d'assaut. Et, en fait, on a cette forme qui est très commune, en fait, ou qui est très rapprochée de la colombe et du char d'assaut. Et on a écrit en dessous « La colombe qui fait boum ». Et donc, c'est une dénonciation, dans ce cas-ci, de l'utilisation par Moscou de cette parole de paix et de cette colombe. Et alors, sur cette colombe, char d'assaut, il y a le faucille et le marteau. Et on commence comme ça à dire, ben, écoutez, vous utilisez un symbole, mais c'est un symbole, en fait, malhonnête. Vous l'utilisez de façon malhonnête, puisque les hommes de bonne volonté sont attirés par cette colombe, mais c'est à des fins idéologiques dans ce cas-ci. Ne vous laissez pas berner cette colombe, exactement. Cette colombe de Picasso, cette colombe du Congrès de 49. Ouais. C'est une colombe pernicieuse. Même affiche en 52, même esprit en 52. On va présenter une autre affiche qui s'appelle Jojo la colombe, où on verra Joseph Staline, Jojo, qui tient une colombe en laisse et avec derrière des armes pour bien montrer qu'il c'est comme s'il attirait en fait les hommes de bonne volonté pour mieux accroître sa puissance et la force du communisme. Maintenant que la guerre froide est terminée, Karl Bouchard, est-ce que le monde, les deux blocs ou anciens blocs de l'Est et de l'Ouest ont fait la paix par rapport à cette colombe symbole de la paix? Oui, ben la colombe a résisté au temps, et c'est peut-être la beauté aussi de ce symbole-là, c'est que l'image a été instrumentalisée, est devenue un enjeu de la guerre froide, mais elle a résisté à cette fin de guerre, et puis est encore aujourd'hui utilisée. On va la retrouver, ne serait-ce que, on l'évoquait tout à l'heure, hors d'onde, avec Céline Dion, qui va ouais. chanter la fameuse chanson « La colombe » au pape Jean-Paul II. On l'a vu à l'ouverture des Jeux de Pyeongchang, on a encore représenté la colombe. C'est un symbole qui continue à représenter la paix et qui a donc traversé le temps, traversé les idéologies et qui est maintenant, est-ce qu'on peut le dire, idéologiquement neutre après avoir été instrumentalisé dans les années 50-60. On sait que la division du monde entre deux blocs, à l'est et à l'ouest, sur le plan communisme d'un côté, capitalisme de l'autre, tout ça s'est effondré largement à partir de l'effondrement du mur de Berlin en 89. Le mouvement de paix, c'est votre spécialité. Il en est où? Est-ce qu'il y a eu, pour ce qui est de la division du monde, d'autres fissures qui se sont créées au fil du tout temps? À fait. Du côté du mouvement pacifiste, est-ce qu'il y a encore des fissures? Est-ce qu'il y a une nouvelle division? Il en est où, ce mouvement-là? Ben, il a dû se redéfinir comme il a dû se redéfinir après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les grands bouleversements mondiaux forcent notamment les militants à se positionner et à changer leur discours. C'est clair que depuis les années 90, on a une association beaucoup plus importante entre le mouvement pacifiste, par exemple, et la cause environnementale. Mm-hmm. Même si la menace nucléaire est extrêmement importante et continue d'affoler dans une certaine mesure les populations, il est clair que cette peur passe désormais par les changements climatiques, par la guerre qui peut être créée par les changements climatiques. Et c'est sûr que les mouvements pacifistes ont dû aussi se réorienter vers des projets de justice sociale bien davantage et sortir un peu de cette division politique qui était tout à fait nuisée pour le mouvement. Mm-hmm. Karl Bouchard, habitué de l'émission, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.